la ressource fondamentale du questionnement. Parce que, bien sûr, ils sont prisonniers, bien sûr, ils ne voient que des ombres, mais en même temps, ils parlent, ils interprètent, ils examinent pour en déduire des choses inexactes, c'est-à-dire que ce qui leur est présenté comme des ombres est la réalité, que ce dont ils voient les images projetées sur ce qu'ils regardent n'est en fait absolument pas la description exacte de ce qui se passe derrière eux et qu'ils ne peuvent pas voir, mais en même temps ils cherchent, ils discutent. Et d'une certaine manière, dans cet enfermement intellectuel et dans cette immobilité physique, dans cette contrainte absolue, il y a déjà toutes les ressources de l'éblouissement et d'une certaine et de la découverte de l'être véritable et des voies de la connaissance. Et au fond, ce texte d'emblée nous place au cœur du mystère platonicien. On présente souvent l'œuvre de Platon et sa philosophie comme une dissociation radicale entre les images, les apparences, les opinions d'un côté et la réalité, la connaissance de l'autre. Mais tout au long de son œuvre, Platon n'a cessé de rechercher le chemin, la ressource, l'itinéraire qui nous permettra de passer de l'un à l'autre. Dans un texte prodigieux du Phédon, Platon parle même du désir d'intelligible qui est présent dans le sensible. Et bien d'une certaine façon, au cœur même de cet enfermement, on voit déjà esquisser cette palpitation humaine, cette recherche humaine qui sera une ressource d'accès vers l'intelligible. Ce désir d'ascension pour nous hisser hors de cette caverne ou de cette grotte dans les traductions. Donc l'allégorie de la caverne porte bien son nom car en effet il s'agit, c'est pas simplement un mythe, c'est vraiment une allégorie puisque ça la signifie par un mouvement disons d'analogie, signifie ou exprime notre propre condition à nous autres, êtres mortels qui ne sommes peut-être pas philosophes tels que Platon l'entend. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes tous dans l'illusion? Un, est-ce que les prisonniers, c'est nous, finalement, nous sommes tous ces prisonniers de la caverne? Et deux, est-ce que ça veut dire que ce que nous tenons pour vrai n'est en fait qu'une illusion? Ce qui est une manière de donner raison au complotisme, au fond. C'est, ah, mais non, on vous ment, ce que vous croyez être vrai n'est pas vraiment le vrai, et je vais vous montrer où est la vérité. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, encore une fois, c'est que ces images que les prisonniers pensent être la réalité. Et pourquoi pensent-ils être la réalité? Parce que tout être humain a une sorte de présomption de stabilité, que ce qu'il voit, ce qu'il connaît, ce qu'il appréhende autour de lui, eh bien, est tel qu'il le perçoit. Mmh. C'est-à-dire, on passe de la perception à l'affirmation d'une réalité. D'ailleurs, c'est un problème que les philosophes d'aujourd'hui, dans toutes leurs tendances empiristes, innéistes, rencontrent constamment. C'est-à-dire que la réalité ne se réduit pas à la perception qu'on en a. Et on a tendance à le penser. Comment en serait-il autrement? Et d'une certaine façon, lorsque Descartes, au début du discours de la méthode, c'est bien plus tard, en 1636, donc déploie cet extraordinaire paysage du malin génie, c'est-à-dire n'y a-t-il pas autour de nous un malin génie qui prend plaisir à me tromper systématiquement et encore plus trompeur que ne l'est le rêve, c'est-à-dire qui me contraint à ne voir que ce que m'offre la réalité et qui m'oblige constamment à considérer que c'est la vérité, alors qu'en fait c'est une extraordinaire scénographie qui est destinée à me tromper. Comment vais-je sortir de cet enfermement? Ce que décrit Platon dans la caverne, c'est un peu la même chose. Alors Descartes en sort de manière spectaculaire par la position d'une certitude absolue. Je pense donc je suis ça en aucune circonstance. Ça ne peut être objet de tromperie. Cautionné par l'existence de Dieu quand même. Il a besoin que Dieu existe pour asseoir sa certitude. Oui, mais au début, dans la première étape, c'est cette position, ce qu'on a appelé le point d'Archimède, évidemment, c'est-à-dire ce lieu, ce concentré de l'indubitable absolu qu'aucun doute ne peut falsifier. Dans la caverne, on est dans une autre perspective. Ces hommes cherchent, et d'une certaine manière, Platon est beaucoup plus désespéré que Descartes, c'est-à-dire que ce qu'il attend, c'est la révélation, c'est-à-dire qu'on les libère. Il faut que quelque chose se passe pour qu'il puisse tourner la tête. Cette thématique de la tête qu'on tourne, des yeux qu'on porte, ou des yeux qu'on détourne pour éviter de voir ce que peut avoir, même dans des perspectives, une perspective morale, ce que peut avoir d'inadmissible la réalité, est quelque chose qui est, d'une certaine manière, au cœur de la philosophie platonicienne, parce que cette découverte intellectuelle, ils vont tourner la tête et ils vont se rendre compte que ce qui donne, en quelque sorte, la possibilité d'existence à ces entités qui passent derrière leur dos et dont ils ne voient simplement les, et dont ils voient simplement les ombres, eh bien, c'est la présence d'un feu, c'est-à-dire la présence d'une lumière. N'est pas visible le réel en tant que tel, que soit le sensible ou intelligible, n'est pas visible en tant que tel. Oui, il faut imaginer. Il faut qu'il y ait une source lumineuse. En voilà, parce qu'il y a une scénographie qui rend la vision possible. Dans la caverne, puisqu'il y a ces individus qui sont liés, en effet, qui ne peuvent bouger ni le corps ni la tête, comme des pantins immobiles. Il y a un feu qui projette une lumière contre un mur et des personnes qui agitent ce qui pourrait ressembler à des objets fabriqués au fond, que les personnes vont voir uniquement à travers leurs ombres. C'est-à-dire, c'est comme le principe du cinéma. Au fond, on voit simplement des ombres projetées sur un mur et on ne sait pas que derrière, il y a des individus qui manipulent les objets fabriqués, dont l'ombre est projetée sur le mur que nous regardons. Mais alors, qui sont ces individus qui manipulent les objets fabriqués pour nous tromper, Monique Antos-Perber? Eh bien, c'est d'une certaine manière toutes les ressources d'artifice du monde, parce que c'est une question très, très centrale dans la philosophie platonicienne, qu'on a souvent résumé avec le terme un peu facile d'imitation. C'est-à-dire, il y a un réel, et le premier réel, c'est celui qui est donné par la nature, et puis il y a cette tendance humaine donc, que Platon considère comme existante, enfin, comme, dont on n'a même pas à expliquer l'origine, qui est la capacité à reproduire. Mmh. Et c'est un thème fondamental dans l'épistémologie de Platon, c'est-à-dire sa théorie de la connaissance et les trésors d'intelligence qu'il déploie pour savoir comment on peut dire que quelque chose est vrai, que ce passage du réel à l'artificiel. C'est-à-dire que, au fond, et on le verra un peu plus loin si nous parlons des formes, Platon s'est tout de suite donné, c'est sa première recherche dès les premiers dialogues, dès le Cratyle, qui est un dialogue tout à fait fondateur dans ce domaine, qui ne parle pas simplement des noms, mais comment on arrive à supposer une stabilité, une unité derrière la diversité, la diversité des objets fabriqués. Donc, pour ce qui a trait aux objets fabriqués, à ces objets qu'on fait circuler derrière les prisonniers, on peut imaginer qu'on a besoin de faire l'hypothèse de quelque chose, de ce que Platon appellera l'idée du lit, la forme du lit qui rassemble toutes les formes du lit, qui permettent de savoir que c'est toujours un lit. Mais pour les objets naturels, enfin pour les réalités naturelles, cette nécessité de faire l'hypothèse de quelque chose d'unique, avec un nom unique, semble beaucoup moins évidente. Et c'est une difficulté à laquelle Platon reviendra sans arrêt, au point que parfois on a l'impression qu'il n'y a plus tellement de différence entre le naturel et l'artificiel, que pour lui les réalités existantes du monde sensible, naturel, au fond n'ont pas tellement plus de dignité que les réalités artificielles et copiées. À d'autres moments dans ces dialogues, on a l'impression au contraire qu'il y a une séparation ontologique radicale entre les deux. Le fait d'avoir choisi de parler d'objets artificiels, d'objets fabriqués, plutôt que de réalités naturelles. On aurait pu transporter des fleurs derrière eux, ou des animaux, de je ne sais quoi, qui au fond appartient aussi aux sensibles et est frappé de la même disqualification ontologique que les objets fabriqués. Là, Platon, d'une certaine manière, en tout cas, je ne sais pas quelle était son intention, mais en parlant d'emblée des objets naturels, des objets artificiels, il a voulu en quelque sorte rassembler la totalité du monde sensible et de faire de la relation d'imitation, qui sera très importante dans plusieurs de ses dialogues et dans d'autres livres de la République en particulier, alors quelque chose, je ne dirais pas d'accessoire, mais là ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas de l'imitation, de la manière dont l'homme reproduit la nature, avec toute la possibilité de falsification que cela pose. C'est d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de la mise en contact, cette scénographie qui fait se heurter l'aspiration, le monde sensible et toutes ses illusions, et l'exigence d'un intelligible qu'on voit déjà apparaître cette propension que les humains à parler entre eux, à expliquer, et même à dire c'est ça, leur conclusion est fausse. Mais il y a quand même un travail de conclusion qui prépare l'aspiration à autre chose. Et on le verra parce qu'on va lire précisément les différentes étapes de cette allégorie de la caverne dans le livre 7 de la République de Platon, qu'au fond on pourrait y voir l'image de la conception que Platon se fait de l'éducation au sein de la cité idéale qu'il est en train de décrire dans la République. Juste un point avant qu'on entende un autre texte où on imagine qu'un des prisonniers sorte de la caverne. On n'arrête pas de dire « eux », les prisonniers, « ils », mais au fond, ça veut dire qu'ils ne sont pas la totalité des personnes vivant ici-bas. Ça veut dire d'un côté, il y a le peuple et de l'autre, le philosophe qui lui sait où est le vrai et n'est pas dans l'illusion. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Il ne sait pas. Il l'apprend, il est formé. Ah. Le vrai n'est pas du tout un donné pour Platon. Le vrai est l'objet d'une quête constante dans la philosophie platonicienne. D'ailleurs, avec des séquences méthodologiques, si je puis dire, des étapes qui sont parfaitement marquées. Par exemple, ça commence par la réfutation dans les premiers dialogues de Platon. Tu me dis que la justice, c'est le fait de faire plaisir, c'est le fait de partager. À chaque fois, je vais te montrer que ce n'est pas le cas, que je peux te proposer une forme de justice qui est ni le partage, ni la satisfaction des besoins. Donc, la réfutation est la première façon d'arriver au vrai. Ensuite, il y a la maïeutique, c'est-à-dire s'adresser, interroger une personne qui est, comme dit Platon, grosse, comme une femme est enceinte, grosse d'idées, et la faire accoucher. Avec cette idée étrange, d'ailleurs, que, d'une certaine manière, c'est une fois qu'on a accouché que la personne sait, que la personne a accouché, qu'elle sait ce qu'elle pense, comme si l'accouchement précédait la grossesse. C'est tout à fait curieux. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième procédure d'accès au vrai. Et la troisième, eh bien, c'est celle qui nous est présentée dans le livre 7 de la République, c'est-à-dire une sorte de méthode de formation, d'abord du caractère, oui, et ensuite de l'intelligence, qui permet d'accéder au vrai. Donc on a trois formes qui sont compatibles entre elles, d'ailleurs, d'accès à la vérité. Celle qui se passe dans le dialogue, la réfutation. Celle qui se passe dans un dialogue, bien sûr, mais qui est enraciné, incarné dans une interaction humaine, l'accouchement, la maïeutique, pour prendre le terme socratique qu'a repris Platon. Et puis ensuite, la dialectique, et d'une certaine manière, le livre 7, c'est le livre qui exalte cette méthode qui est à la fois une méthode intellectuelle et une méthode d'accès à l'être. Non seulement d'accès au vrai, mais d'accès à l'être, et je pourrais même dire d'accès au bien. N'oublions pas que Platon, à ce moment-là de la République, est en train de définir ce qu'est le philosophe, à quoi il sert, et pourquoi c'est, selon lui, la personne la mieux à même, la plus apte à gouverner. On va y revenir, Monique Otto-Sperber. D'abord, on va entendre un extrait, juste la suite. La continuité de l'allégorie de la caverne, c'est Socrate va demander à Glaucon, son interlocuteur, d'imaginer le scénario dans lequel un des prisonniers est libéré de force, contraint de dire ce qu'il voit, d'ouvrir les yeux malgré la force de la lumière, contraint donc de voir la vérité. Que se passerait-il ? Sommes-nous tous capables d'accueillir, de voir ce que Platon et ce que le philosophe appellent la vérité ? Examine ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement. Au cas où, de façon naturelle, les choses se passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes, il souffrirait. Et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement? Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est en le contraignant à répondre. Ne crois-tu pas qu'il serait perdu ? Et qu'il considérerait que ce qu'il voyait tout à l'heure était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent? Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux, et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer en considérant ces dernières comme réellement plus nettes que celles qu'on lui montre? Et si on l'arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas? Et ne s'indignerait-il pas d'être traîné de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui disait être vraies? Thank you. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Monique Cantos-Perber, si l'allégorie de la caverne est l'image de ce que devrait être l'éducation pour Platon, si l'éducation est ce qui consiste à faire passer l'élève de l'illusion vers le vrai, alors l'éducation est le lieu d'une grande violence, c'est ce que nous dit ce texte. Il y a de la contrainte, une forme de violence, une réticence, un refus de la part de celui qui est éduqué. C'est une certaine conception de l'éducation à laquelle on n'est pas habitué. Mais c'est tout à fait juste. C'est parce que votre expérience de prof dit. Mais il s'agit de mettre l'eau, d'obliger, comme disait Dubélé, d'obliger à l'innutrition, c'est-à-dire à se transformer en un autre que ce qu'on est. C'est ça l'éducation ? Inévitablement, c'est une appropriation de l'eau dont on arrive à faire sa propre substance. Qu'est-ce qu'éduquer sinon être sans cesse confronté sans cesse à l'altérité et faire en sorte que peu à peu l'altérité soit absorbée par celui qui est éduqué jusqu'au point où il y reconnaîtra que c'est sa réalité la plus intime, la plus propre à lui-même. En tout cas, si vous voulez, pour l'accès à la culture, l'accès à la littérature, tout cet extraordinaire rapport culturel ou scientifique qui nous a construit intérieurement, du moins c'est le sentiment que j'ai, au fond, c'est mon moi véritable. Et cela n'a été possible que parce que se mêler, alors... Peut-être pas simplement la contrainte, mais aussi le désir. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'articulation constante du désir, de la réticence, de la peur, du fait de ne pas vouloir, même de la souffrance, mais en même temps d'une force qui oblige à y aller, à persister. Et au fond, c'est ce qu'il y a, à mon sens, de tout à fait exceptionnel dans la philosophie de Platon, et peut-être même que l'on trouve chez Platon beaucoup plus que chez tout autre philosophe, c'est l'association extrêmement étroite du désir et de l'activité intellectuelle. Et cela va très loin. Quand Platon expose sa conception de l'âme avec cette théorie qui peut paraître totalement dépassée des trois parties de l'âme, l'intelligence, l'affectivité, le cœur, le thumos et puis les désirs, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des liens entre ces trois parties et que ce qui fait que la pensée est active et créatrice, c'est parce qu'elle est imprégnée de désir. Prenons tout simplement l'expression philosophie, l'amour de la sagesse. C'est pas la sagesse, c'est pas la pure contemplation comme la proposera Aristote d'une certaine façon qui fait qu'à un certain degré d'intensité de la contemplation, le sujet qui contemple et l'objet contemplé deviennent chez Platon reste toujours cet élément du désir, de l'amour, de l'attrait. Et désir va de pair avec la peur, avec la réticence et toute cette richesse émotionnelle qui est vraiment la caractéristique de l'activité intellectuelle et même la dianoïa est une activité discursive, mais la noésie, c'est-à-dire la pure jouissance de l'activité intellectuelle, elle est totalement imprégnée de désir. Voilà, on entend surtout la contrainte plus que le désir dans ce texte. Oui, mais l'un va avec l'autre d'une certaine manière. Si les hommes résistent, c'est parce que ça leur convient pas. C'est parce que les désirs et les satisfactions et tout ce qui a trait aux besoins que nous avons, tout ce que nous sommes, à rester rivés à la satisfaction que nous obtenons, la jouissance que nous avons à rester rivés à nos certitudes, la douleur que nous avons lorsque on nous force à en détacher, ne met pas entre parenthèses le désir. Ce qui fait que quand même on y consent, c'est pas simplement la contrainte, c'est que quelque chose se met en route. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte aussi, c'est au fond un texte du passage. Parce qu'on nous donne le point de départ, l'illusion, on nous donne le point d'arrivée, la mise en contact violente avec la vérité. Mais ce passage est quand même très mystérieux. Alors, là, je relevais un certain nombre de termes. Il n'arrive pas à distinguer. Il faut le traîner, il faut l'obliger, oui. Il faut le contraindre physiquement. Donc, d'une certaine manière, Platon a donné l'équivalent intellectuel de cette difficulté du passage, c'est-à-dire ces fameuses procédures intellectuelles qui permettent peu à peu de mettre de l'ordre dans la confusion et d'arriver à la contemplation. Mais ce qui est très frappant, quand même, c'est que tout ce travail préparatoire prépare l'élément de la reconnaissance, c'est-à-dire face au soleil, face au bien, face à la forme, à l'être à se concentrer d'être qu'est le bien, eh bien, il a une forme de reconnaissance. Comme Platon, d'une certaine manière, c'est l'équivalent, si vous voulez, dramatique de cette fameuse théorie de la réminiscence. Qu'est-ce qui fait que quand on n'arrive pas à résoudre un problème, à force de réfléchir, à force d'utiliser toutes sortes de processus discursifs, ben, on arrive en contact avec l'objet vrai, la vérité, que l'on reconnaît comme telle. Qu'est-ce qui provoque, bien sûr, poser des équations, rechercher un problème. Je pense là au texte du Ménon, où on demande à Ménon de résoudre un problème géométrique très difficile, et, enfin, en tout cas pour lui, et Ménon explore toutes sortes de possibilités. C'est pénible, il voit toutes ses premières réponses réfutées, rien ne convient. Et peu à peu, il devrait être amené au moment où il va comprendre ce dont il s'agit. Mais ce n'est et pas comprendre tellement... qu'il le savait déjà sans mais savoir qu'il pas le tellement... savait. Oui, c'est... exactement. Ce n'est pas tellement d'y arriver, mais c'est de le reconnaître comme tel, savoir qu'il est revenu en terre familier. Ça, c'est une certaine conception de l'éducation. Parce que justement, c'est ça la question que pose le texte. Qui est entièrement fondée sur ce que Platon appelle la réminiscence, oui. Alors oui, qu'il explique de manière parfois un peu mythologique. Voilà, il y avait une vie antérieure où on a contemplé, ça c'est le grand récit du Phèdre, on a contemplé la beauté des formes, et d'une certaine manière, on ne cesse de les porter en soi. Et lorsque, on connaît... On comprend en même temps qu'on connaît et qu'on a toujours connu. D'une certaine façon, Platon n'est pas aussi explicite dans le texte de la République, mais ce qui est l'essentiel, c'est ce phénomène de reconnaissance. Parce que, si vous voulez, un des problèmes fondamentaux de la connaissance humaine, c'est que très souvent, on passe à côté du vrai sans y faire attention, sans comprendre que c'est ça, sans comprendre que c'est dans cette direction qu'il faut aller chercher. Mais la théorie de la réminiscence, selon Platon, laisse penser que nous sommes tous égaux face au savoir, que nous avons tous en nous, la possibilité d'accéder à ce savoir, encore faut-il recevoir le bon enseignement. Or, la question que pose le texte que nous avons sous les yeux, l'allégorie de la caverne, est celle de savoir si nous sommes tous égaux dans ce désir de connaître, si nous sommes tous de légitimes prétendants à la sortie hors de la caverne, en clair, si nous pouvons tous devenir philosophes. Est-ce non, le cas? Pas du tout. Ça suppose une éducation. Alors, une éducation de quoi? Eh bien, du désir. On y revient. Rappelez-vous l'éducation des gouvernants. D'ailleurs, dans le livre 7, Platon le rappelle, lorsque, après avoir exposé cette extraordinaire dramaturgie de la connaissance, on arrive à une question plus concrète. Qui sont ceux qui vont pouvoir voir le soleil? Et Platon répond, il faut les sélectionner dès l'enfance. Et les sélectionner par quoi? Le terme de sélection fait un peu peur. C'est d'ordinaire comme ça qu'on traduit. Il s'agit choisir, mais pas de les choisir de manière arbitraire, mais de les soumettre à des processus différenciants qui permettront de savoir repérer ceux qui pourront continuer. Or, ces processus différenciants, ils consistent en quoi? Eh bien, ils consistent en activité d'enfant, en jeu. En toutes sortes de comportements où on peut voir ceux dont les désirs sont les plus aptes à conduire et à porter ce processus de connaissance. Mais il y a l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie. Non, mais avant, il y a l'éducation du caractère, musicale. Il y a la musique, mais même alors les propos sur la musique et la gymnastique sont assez dévalorisants, mais ce sont quand même les premières disciplines diacritiques, celles qui vont permettre de voir quels sont les enfants qui pourront être portés jusqu'à la découverte du bien. Donc on n'est pas du tout tous égaux alors? C'est ça que je voudrais savoir chez Platon. D'un côté, il semble y avoir un élitisme très fort. Certains d'entre nous sont sélectionnés comme des élus qui pourront gouverner ensuite. On y viendra, les qualités requises pour bien gouverner la cité. Et de l'autre, il y a cette idée que non, la théorie de la réminiscence montre que nous devrions tous, en droit, en puissance, être des candidats aptes nous à prétendre gouverner. Nous le sommes. Mais nous ne passons pas les épreuves. Il n'y a pas de différence dans le donné. mais il y a une différence dans l'acquis, c'est-à-dire dans la, dans la manière, au fond. Non, dans la manière dont les différents caractères, et quels qu'ils soient, il peut y avoir des pauvres, des riches, enfin bon, il n'y a aucune des distinctions sociales ou culturelles qui puissent, et même des hommes et des femmes. Puisque les femmes sont dans la course, et je puis dire, on le voit très clairement dans la République et surtout dans les lois. Donc il n'y a pas, par nature, des êtres ou des individus qui seraient écartés de ce processus. Mais il est certain que tous n'ont pas la capacité, et que même très peu sont ceux qui ont la capacité d'arriver jusqu'au bout du processus. Et c'est d'une certaine façon le processus de formation, d'abord par le désir, le jeu, et ensuite par les différentes disciplines qui sont exposées dans le livre 7 de la République, qu'on identifie celui qui pourra arriver jusqu'à la contemplation du soleil. Le potentiel est là, mais il n'y a pas de contact direct avec l'intelligible sans un très long processus de formation. Mmh. Et ce processus de formation est en effet différenciant et discriminant, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça correspond à la visée de l'éducation que nous avons aujourd'hui, en effet, où il y a aussi un processus de sélection? On essaie de sélectionner les meilleurs pour, pourquoi pas, essayer de faire en sorte que ce soit eux qui ensuite vont se retrouvent à la tête de l'État ou au sein du gouvernement pour diriger ce qui serait l'équivalent des prisonniers dans la caverne. Alors, pour ce qui me concerne, je ne souscris pas à cette façon de voir. D'abord parce que les dirigeants, pour nous, ne sont pas des dirigeants qui sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances. Je ne pense pas qu'on arriverait au type de gouvernement que nous avons. Si c'était le cas, bien évidemment, ce ne sont même pas des experts. Ce qui fait les qualités politiques en démocratie sont très différentes. Et c'est la possibilité de gouverner, surtout dans les démocraties modernes, c'est la capacité de témoigner d'une certaine proximité avec le peuple, d'une certaine empathie, c'est la capacité à être reconnu comme un leader légitime. Il y a toute une fabrique de la légitimité du gouvernement démocratique qui n'est pas du tout fondée exclusivement sur la connaissance, alors que dans la conception platonicienne, dans la République, oui. Mais, et par ailleurs, il n'y a pas non plus, et pour ce qui a trait à l'éducation, si on laisse de côté l'éducation pour être gouvernant, pour ce qui a trait à l'éducation dans nos sociétés, et heureusement, il y a des formes d'accomplissement multiples. Il n'y a pas une seule façon de réussir, il n'y a pas une seule chose à savoir pour apparaître comme une personne éduquée. Heureusement, il y a des formes de réalisation de l'individu qui sont extrêmement diversifiées. Et ce qu'on demande à l'éducation contemporaine par rapport à l'éducation des gouvernants, c'est précisément d'avoir la capacité par toutes sortes de processus de transformation d'individus, puisque l'éducation, ça consiste en ça, de repérer immédiatement quelles sont les formes d'excellence ou les formes d'accomplissement qui conviennent le plus à chaque enfant, lui permettre de parvenir et lui donner le maximum de ressources intérieures et d'atouts pour pouvoir accéder à tout ce à quoi il souhaitera d'accéder, si vous voulez. C'est une sorte de formation dont l'objectif est une excellence absolument plurielle, multiforme et qui dépend de ce que désire l'individu. C'est pas du tout le modèle unique que nous propose Platon dans la République. Mais est-ce que c'est la même personne pour Platon qui va gouverner et éduquer? Parce que finalement, celui qui sort de la caverne aura pour vocation de redescendre dans la caverne pour aller libérer les prisonniers qui sont encore dans la caverne, pour leur montrer le chemin. C'est ce que Platon appelle le philosophe, et c'est aussi celui qui doit gouverner. Donc le bon gouvernant pour Platon est-il forcément un éducateur? Et inversement? Non, je ne pense pas. Le bon gouvernant n'a pas vraiment pour rôle de... Et lorsqu'il redescend dans la cité, ce qu'il ne veut pas faire, hein, parce qu'il préfère passer sa vie en tête à tête avec l'intelligible absolu, bien sûr que... C'est ça, en fait, c'est ce que Platon montre. Une fois qu'on sort de la caverne, on manque d'arguments pour y redescendre, parce qu'on se trouve beaucoup mieux. Mais on ne le souhaite pas, et c'est la deuxième contrainte. Il y a une contrainte pour monter, il y a une contrainte pour descendre. Et pourquoi est-ce qu'il y a de contraintes? Parce que le désir va dans l'autre sens. Si vous voulez, on retrouve toujours la même interaction entre désir et contrainte. Le désir, une fois qu'on est là-haut, le désir, c'est d'y rester. Et c'est précisément parce que c'est par un désir contrarié qu'on est arrivé que... Il y a le philosophe, comme le philosophe en arbre a reconnu en lui le travail de ce désir de monter vers le bien, mais le philosophe, une fois là-haut, reconnaît également qu'il y a en lui le désir de redescendre, parce que sinon il n'accepterait pas de redescendre. On le contraint, mais il redescend quand même. Il n'y a pas de contrainte sans une forme de consentement, étant donné les personnalités auxquelles on a affaire dans la description platonicienne. Mais redescendre dans la caverne, ce n'est pas vraiment éduquer. C'est harmoniser, c'est constituer, c'est pétrir comme le Platon, c'est tramer, c'est tisser comme Platon le dit dans le Politique. Les caractères faibles et les caractères forts, arriver à cette espèce d'harmonie civique qui garantit à la fois le développement de la cité, une vie réelle, mais également une forme de paix et de concorde au sein des citoyens. Ce n'est pas tellement d'éduquer, malheureusement, parfois, parce que éduquer, si vous voulez, c'est toujours une prise de risque. On ouvre vers l'avenir, on forme une personnalité, et aussi maîtrisée que soit l'éducation, on ne sait jamais tout à fait ce que la personnalité en question fera. Ce n'est pas tellement comme cela que Platon envisage la gestion politique et le gouvernement politique. C'est sans doute une des faiblesses de la philosophie de Platon. C'est plutôt la volonté d'arriver à une perfection et de la maintenir. Il y a un côté statique dans l'idéal politique de Platon, mais donc Platon dira que c'est en fait une illusion. Rappelez-vous les dernières pages du livre 7 de la République. Oui. Oh, j'ai raconté vraiment une histoire grandiloquente, hein, dit Socrate. Je voulais pas aller si haut. Bon, il y a quelque chose un peu poétique dans tout ce que j'ai dit. Immédiatement une prise de distance par rapport à l'extraordinaire histoire qu'il vient de raconter. Et dans le livre 8 de la République, et aussi dans les lois, Platon insistera sur le fait que tout gouvernement parfait, même dirigé et gouverné par les êtres les plus parfaits, les mieux éduqués qui soient, ne peut éviter, pour finir, d'être gonflé de démesure. C'est l'expression qu'il emploie, gonflé de démesure. Donc Platon programme la dégénérescence inévitable de la cité la plus parfaite et la dégénérescence inévitable du caractère du gouvernant le mieux formé. Donc cette conception de la corruption inévitable à l'intérieur de la perfection même est quelque chose qui ramène la philosophie de Platon dans un réalisme désespéré, d'une certaine manière. Alors, quelle conclusion faut-il en tirer ? Désespéré. La conclusion, la seule qui puisse guider les affaires humaines, faire tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, mais ne pas ignorer la difficulté du réel et le caractère corruptible de toutes les réalisations humaines. C'est désespérant pour la politique. Non, c'est ça, parce que si elles sont corruptibles, elles sont aussi susceptibles de régénération et de renaissance. Les deux vont ensemble, c'est comme le désir et la contrainte. Ça veut dire qu'un homme politique serait celui... Alors ça, c'est ce que dit Platon, et ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus. L'homme politique est peut-être celui qui sait qu'il ne pourra pas rester un homme politique très longtemps. En tout cas, c'est celui qui n'est pas intéressé par le pouvoir, nous dit Platon. Et c'est pour ça que le philosophe est le mieux à même pour gouverner, parce qu'au fond, l'exercice du pouvoir ne l'intéresse pas du tout. Une fois qu'il a vu contempler le soleil et le bien, le redescendre dans la caverne et exercer un pouvoir sur ses prisonniers, quelque chose qui lui paraît secondaire. Et c'est pour ça que c'est un bon gouvernant, nous dit Platon. Absolument. Et ça va très loin. C'est-à-dire, mais ce désintérêt, on ne le voit pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme politique qui est désintéressé par le pouvoir. Non seulement il est désintéressé, il n'a pas le désir du matériel, il a le désir. Son désir est concentré sur la contemplation. Mais d'autre part, il ne possède rien. Ça, c'est une chose que Platon détaillera dans la suite de la République. Le gouvernant ne possède rien, ni bien matériel, ni bien relationnel. Il n'a pas de famille. Il est nourri par l'ensemble de la cité. Il n'y a pas de propre. Il n'y a pas de ce qu'on appelle en grec le idion, ce qui est propre à chez le gouvernant. Toute la dimension privée particulière n'existe pas. Il est totalement rendu public. Il appartient au koinon. Et c'est ce que critiquera Aristote, d'ailleurs. Il se moquera de cette idée-là. C'est magnifique, mais tout simplement, ça n'a pas de sens par rapport à la nature humaine. Eh ben, l'image contemporaine qui se rapproche le plus de ce que dit Platon, on l'a cherché, on a trouvé ça. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». Vous n'avez pas envie de devenir président de la République ? Non, c'est pas mon rêve. Et puis même là maintenant, non. Mais par contre, bon, non, mais là, vous êtes candidat. Parce que nous, on est pour. Ben vous oui, êtes candidat, pour vous convaincre que vous seriez un bon alors, président je suis candidat pour porter un programme, pour porter des idées, pour contester le système tel qu'il est, et pour dire que le pouvoir, oui, il en faut un, mais un pouvoir partagé, un pouvoir collectif. Et c'est pas le pouvoir pour nous, pour moi ou pour le NPA. C'est que la population, elle puisse avoir le pouvoir et pouvoir décider de sa vie. Rappelez-vous, c'était en 2012, Philippe Poutou se présentait au présidentiel, le parti, le NPA, et il l'explique bien dans cet extrait. C'est une archive des paroles des actes du 11 avril 2012, que sa candidature est plus un programme qui implique le partage du pouvoir dans la société plus que la mise en avant de sa personne comme candidat. Mais c'est pas du tout l'idée de Platon, ça. C'est une personnalité qui est la seule qui a accès au koinon, à ce qui est commun. Et le koinon, pour Platon, ce qui est commun, est aussi ce qui est universel. On déduit de l'universel ce qui est le bien commun, en quelque sorte. Nous n'avons pas du tout la même idée aujourd'hui. Ce que nous appelons le commun, c'est un commun participatif, c'est un commun construit par tous, c'est un commun qui est construit par tous et qui est le résidu de tous les intérêts particuliers, ce qu'on retrouve dans toutes les formes d'intérêts particuliers. C'est ça l'intérêt commun dans la conception que nous en avons chez Platon. C'est pas du tout ça, c'est la contemplation par un esprit qui a été formé de manière particulière. Là, on transcende l'individualité. Ce qui reste, c'est le type de formation d'intelligence qui donne accès à une connaissance qui permet de savoir ce qu'est le véritable être, ce qu'est le vrai absolu, ce qu'est le bien aussi, et à partir de cela, d'en déduire l'idée du bien pour la cité. L'espace politique étant en quelque sorte la réalité la plus choisie, la plus excellente, ou essayer d'incarner ce bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se donner cette réalité humaine exceptionnelle qui est une communauté politique pour en faire le terrain d'expérimentation du bien qui a été observé. Mais ce bien n'est absolument pas l'émanation collective de la cité, ni ne suppose que qui que ce soit donne son avis là-dessus. C'est pas du tout cela que Platon a en tête. Alors, autre exemple contemporain, comment faire pour que les rares qui savent ce qu'est le bien ne créent pas un fossé, si ceux-là sont au pouvoir, comment faire pour qu'il n'y ait pas un fossé entre eux, les sachants, ceux qui savent, et les autres, et qu'on obtienne ce type de discours? Deux erreurs. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. C'était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement, ça n'a pas été compris. C'était le député Gilles Legendre en 2018. Il était alors à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et en plein conflit social des Gilets jaunes. Il estime que le gouvernement a fait deux erreurs, avoir insuffisamment expliqué ce que fait le gouvernement et puis avoir été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures du pouvoir d'achat, dit-il. On a ici un exemple de ce qu'on pourrait appeler une forme d'élitisme, en tout cas de mépris envers le peuple que Gilles Legendre était censé représenter. Est-ce que c'est un des travers qu'on peut aussi identifier dans ce que propose Platon, Monique Antosperber? Oh, là, je crois que Platon est une excellente ressource pour examiner philosophiquement ce qui vient d'être dit. Allons chercher Socrate, si vous voulez. Alors, vous parlez de bien commun, vous avez eu accès au bien commun, mais comment l'avez-vous découvert, ce bien commun? Votre idée de ce qui est bien, de ce qui était la chose à faire, comment l'avez-vous eu? Nous n'avons aucune réponse à cette question. Alors, Socrate va très vite dire, mais c'est l'idée, c'est votre idée à vous, qui vous convient, qui convient à vos intérêts, que vous avez présenté comme étant ce qui convient à l'intérêt de tous. Donc, il y a aujourd'hui, étant donné notre forme de gouvernement, il n'y a pas de personne, fût-elle placée au sommet de l'État, qui ait un accès direct au bien commun ou au bien public. L'idée du bien public doit être absolument nourrie par la délibération collective, par l'apport des, pour revenir à notre régime, l'apport des parlementaires, l'apport de toutes les autorités locales. Elle ne peut l'accès au bien commun et à l'intérêt public ne peut être que co-construit, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est la première erreur. L'idée qu'on pourrait avoir raison tout seul à la tête de l'État et avoir un contact direct avec ce qui est bien pour tout le monde. Et la deuxième critique que Socrate aimerait faire: mais pourquoi parlez-vous d'intelligence? C'est pas que vous avez était trop intelligent. C'est que vous avez voulu vous faire un peu trop aimer. Parce qu'au fond, quel est le vice majeur de la politique ? Critiquer déjà Socrate et Platon et qui peut-être, alors pour le coup, a repris aujourd'hui, parce que malheureusement ces réalités sont inchangées, c'est présenté comme une forme de délibération inspirée simplement par le goût de l'intérêt public et nourri de sa propre intelligence, de ce qui convient le mieux pour la mise en, pour sa popularité. C'est ce qu'on appelle au fond la démagogie, ce qu'on présente comme voilà, je vais vous dire, c'est exactement ce qui est bien pour vous et de plus ce que vous désirez. Voilà, c'est pas très démagogique de dire on est plus intelligent que vous, c'est plutôt l'inverse. Mais en même temps, c'est une manière de, c'est une captatio benevolentiae, comme on dit, c'est-à-dire, bien sûr, vous allez me flageller parce que c'est pas bien de se montrer supérieur aux autres, mais en même temps, il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes plus intelligents que vous. Donc, c'est assez pervers. Alors, est-ce que Platon permet de penser, de désamorcer cette revendication d'une inégalité? Comment, en clair, comment est-ce que le philosophe, une fois qu'il redescend dans la caverne, trouve-t-il la bonne manière de s'adresser à ceux qui sont encore prisonniers, c'est-à-dire au peuple, sans créer cette condescendance, sans créer ce mépris, et dans l'espoir peut-être de créer cette harmonie qui lui est si chère. Alors, le philosophe, une fois qu'il est redescendu, s'occupe assez peu de parler au peuple. Ce qui intéresse Platon, qui était la question essentielle pour lui et qui a encore un sens pour nous aujourd'hui, c'est la question de la légitimité. On peut définir la légitimité de façon différente. Pour Platon, elle est fondée sur la connaissance, sur la capacité de pouvoir contempler le bien au terme d'une formation du caractère et de l'intelligence qui fait du philosophe roi un être, en effet, qui n'a pas d'intérêt particulier, d'aucune sorte, ni affectif, ni matériel, et qui, à ce titre, peut parler légitimement au nom du bien public. C'est ça la conception de Platon. Notre conception en démocratie représentative libérale, est tout à fait différente. Pour nous, la légitimité a une autre racine. C'est le consentement du peuple. Elle est d'ailleurs plurielle, cette légitimité. Il y a bien sûr l'élection, il y a l'efficacité, qui est une source de la légitimité, il y a l'expertise, il y a la capacité de se référer à une histoire. C'est une légitimité extrêmement plurielle. Mais ce qu'il y a de commun, et là, entre les deux, et c'est là où l'enseignement de Platon est toujours valide aujourd'hui, c'est que cette réflexion sur la légitimité doit être au cœur de l'exercice du pouvoir politique. Or, ce qu'on peut regretter aujourd'hui dans la pratique du pouvoir, c'est que beaucoup des gouvernants perdent de vue la réflexion sur la légitimité. Surtout dans une démocratie aussi réactive que la nôtre, qu'est-ce qui rend le gouvernement légitime aux yeux de la population? Est-ce que c'est le fait de l'avoir élu au suffrage majoritaire, enfin universel, qui est... Non, ça ne suffit plus. Alors, qu'est-ce qui reste de fondamental? Il est clair qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est l'impression que les citoyens ont d'être représentés, l'impression qu'ils peuvent avoir de participer d'une manière ou d'une autre à l'exercice politique, par l'intermédiaire de leurs représentants, par l'intermédiaire des collectivités territoriales, de tous les corps ou institutions qui font le lien entre l'État et la population, mais aussi de participer à travers toute cette animation de la société civile. Alors là, c'est quoi? Une libérale influencée par Montesquieu et Tocqueville qui vous parle. Mais il est sûr que c'est ce qui est la fabrique de la légitimité aujourd'hui. Les gouvernants que nous avons, et là je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle des gouvernants modernes en général, ne sont pas assez soucieux de revenir sans cesse à cette interrogation sur ce qui fait la légitimité politique. On peut faire beaucoup de reproches à la philosophie de Platon, mais il faut lui reconnaître qu'il a posé d'emblée les deux questions fondamentales, c'est-à-dire la nature de la légitimité et le rapport entre le bien public et le bien privé. C'est comme ça qu'il faut lire la République de Platon? Parce que justement, on fait le reproche aujourd'hui qu'elle est trop idéale, trop utopique, qu'elle est à l'opposé d'une démocratie, que c'est une république de sachants, etc. Donc vous dites finalement, il faut saisir dans ce texte ce qui peut nous servir aujourd'hui, à savoir par exemple cette réflexion sur la légitimité du gouvernant. Elle est essentielle. Et c'est pourquoi la critique que Platon fait de la démocratie... Ouais, ça, on en parlera demain avec Alain Petit. De la démagogie, des illusions, de l'apparence, gouvernement du pur désir déchaîné, ne veut pas dire que Platon ne reconnaissait pas la démocratie comme un véritable régime permettant de gouverner les hommes, mais à condition que ce soit une démocratie qui soit véritablement centrée sur la légitimité de ce que signifie gouverner par le peuple. Vous vous rappelez cette extraordinaire métaphore qu'il utilise dans un autre passage de la République, d'un bateau pris dans la tempête, et puis on se demande que faire, il y a le gros capitaine qui est là, qui évidemment ne s'occupe que de savoir ce que les passagers et les personnes qui se trouvent sur le bateau veulent qu'on fasse. Donc il est là à capter le niveau des désirs, ce qu'il rendrait populaire auprès des passagers afin de pouvoir faire ce qu'il désire. L'image des gouvernants des gouvernants démocrates selon Platon, mais image qui pourrait aussi s'appliquer à certains de nos gouvernants qui d'une certaine manière agissent en fonction de la popularité que cela leur vaudra. Et puis il y a le véritable pilote qui essaie de se faire entendre et qui voudrait imposer des mesures qui vont contre les préférences des passagers. Eh bien, celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le fait taire d'abord, et puis ensuite on le fait disparaître. Il y a quand même chez Platon une réflexion très pessimiste sur l'inadéquation du gouvernant, ou l'inadéquation de celui qui sait, de celui qui peut être en contact, qui pense avoir la légitimité pour être en contact avec le vrai bien dans le monde. Il a un peu le caractère d'un albatros. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Mais au fond, le gouvernant idéal pour Platon, ce serait le Coriolan de Shakespeare. Celui qui se moque d'être populaire, celui qui se bat en l'occurrence, mais qui veut non pas représenter le peuple, mais qui veut la justice et la paix dans sa cité. Oui, mais n'oubliez pas ce que Volumni, la mère, si c'est Volumni, je crois, de Coriolan, lui dit, hein. Tu aurais été beaucoup plus intègre et défenseur du bien public si tu t'étais efforcé de l'être moins. Il y a chez Coriolan une démesure du caractère qui est un retour. Une complaisance. Une complaisance à l'égard de sa grandeur, une jouissance de l'extraordinaire force de son caractère. Oui, mais le bon gouvernant n'est pas un homme parfait. Pour Platon, il est sans passion. Il a un désir très fort, mais qu'un désir qui est entièrement concentré sur la connaissance. Il n'y a pas de passion particulière, il n'a pas, y compris la passion lui-même. Ça, ce serait, dirait Platon, une exubérance, une hypertrophie du thumos ou de la partie affective. Mais donc il n'existe pas ce gouvernant idéal. Il n'existe pas, mais comment penser le gouvernant idéal sans se référer à cela? Alors, bien sûr, on peut dire que c'est totalement irréaliste. Les hommes sont faits de passion et de raison. Et un homme qui ne désire pas, c'est un homme qui n'est pas même pas apte à gouverner parce qu'il n'aurait aucune émotion, aucune possibilité d'empathie. Donc on n'attend pas ça d'un gouvernant non plus. C'est pour ça que Platon insiste toujours sur le fait que l'intelligence est une affaire de désir. Ça a l'air de rien, mais très peu de philosophes ont eu l'audace de reprendre cet énoncé après lui. On se quittera sur cette phrase. L'intelligence est une affaire de désir. Merci infiniment Monique Antos-Perber d'être venue ce matin pour vous proposer cette lecture du livre 7 de la République de Platon. On se retrouvera demain en compagnie d'Alain Badiou pour lire le livre 8 et pointer les insuffisances de la démocratie selon Platon. Mais d'abord, on se quitte face au soleil, puisque quand on sort de la caverne, on voit le soleil et les ombres denses sont Barbara et Johnny Hallyday comme un soleil noir. On dit qu'il se ressemble, ça sent. Je suis l'ombre, toi le soleil. Nous ne dormirons jamais ensemble, et pourtant nous sommes pareils. Au matin tu te joues dans les arbres, tu caresses les collines. Sur les plages amoureux tu les ordes, tu t'approches, je décline. Oh ma divine, ma clandestine, à pas de lune, tu t'avances et tu danses dans ma lumière. Oh ma si belle, tu m'ensorcelles à 100 000 étoiles. S'accroche à tes voiles, ô ma fleur de lune. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Toi, mon ombre. Ô mon soleil, tu es juillet et je suis décembre. Et pourtant, nous sommes pareils.